بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة المرسلات les envoyés في المسألة العاشرة بعد المئتين 210e مسألة في قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون dans le sens où Allah dit que ce jour-là ils ne parleront pas il ne leur sera pas permis afin qu'ils ne puissent se justifier versets 35 et 36 قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون donc ce noble verset montre que les gens du feu ne pourront ni parler ni se justifier s'excuser وقد جاءت آية تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون كقوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين et d'autres versets sont venus montrant que justement ils parleront et qu'ils tenteront de s'excuser Dans le sens où Allah dit, en parlant des gens du feu, « Par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas du nombre des associateurs. » Al-An'am, le BSE, verset 23. « Wa qawlihi, falqawl salam, ma kunna na'malu min su. » Et ils diront également, dans le sens où Allah dit, qu'ils se soumettront, et ils diront, « N'avons pas commis de mal. » Les abeilles, verset 28. « Wa qawlihi, bal lam nakum nad'u min qablu shay'a. » Dans le sens où Allah dit, qu'ils diront, nous n'avons rien invoqué auparavant, c'est-à-dire autre que Allah Azzawajal. Ghafir, pardonneur, verset 74. Wa qawlihi, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, iz nusawwikum bi rabbil alamin, wa ma dhallana illa al mujrimoun. Lorsqu'ils diront, les gens du feu également, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, lorsque nous avons égalisé avec Allah, le Seigneur des mondes, et seuls les criminels nous ont égarés. Les poètes, Shu'ara, versets 97 et 99. Wa qawlihi, Rabbana ha'ulahi adhalluna. Lorsqu'ils diront également, Ô Allah, ce sont eux qui nous ont égarés. Al-A'raf, verset 38. Et d'autres parmi les autres versets qui sont bien nombreux par rapport à cela. Donc là, on a quoi? Un verset qui dit qu'ils ne parleront pas et ne s'excuseront pas, ni chercheront à se justifier. Et là, d'autres versets qui prouvent le contraire. Qala, wal jawabu an haza min awjuh. Différentes façons de répondre à cela. الأول أن القيامة مواطن ففي بعضها ينتقون وفي بعضها لا ينتقون. Que justement le jour de cette résurrection aura différentes périodes, différentes étapes. Et parmi elles, dans certaines étapes, ils parleront et d'autres ne parleront pas. Là, c'est une réponse qui a été donnée. الثاني أنهم لا ينتقون بما لهم فائدة ولا وما لا فائدة فيه كالعدم et qui parleront des choses qui ne leur apporteront aucun profit, et une chose qui n'apporte aucun profit est comme une chose qui n'est inexistante. Une chose qui n'apporte aucun profit est comme une chose inexistante. قَالَ وَثَالِثُ أَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ يَقُولُ اللَّهَ لَهُمْ اِخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ يَنْقَطِعْ نُطْقُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ Également, troisième réponse, c'est qu'après que Allah, dans le sens où il dit soyez-y humiliés et refoulés, ne me parlez pas, c'est-à-dire en parlant aux mécréants, surat al-Mu'minun, verset 108, justement, après ce verset-là, c'est là qu'ils ne pourront plus parler, et qu'il ne leur restera que les gémissements et les pleurs. Quand Allah ta'ala, wa waqa'a al-qawlu alayhim bima zalamu fahum la yantiqun, et que le décret leur sera attribué pour ce qu'ils auront commis comme injustice, et qu'ils ne pourront parler. Dans surat An-Naml, les fourmis, verset 85. Et il dit « Wa zal wajh thalith radi'un lil wajh al-awwal » et que cette troisième réponse, elle, revient en réalité à la première réponse. Que cela est en fait en différents moments, différentes étapes. Cette mas'ala-là également a déjà été citée précédemment. « Walhamdulillah bil alamin »